La nuit est tombée sur Cusco. Une petite bruine froide fait briller les pavés. Un à un, les hommes se retirent, prenant les pentes avec des dos éperdus de fatigue, où l'on croit voir encore peser les pierres, les sacs de riz qu'ils ont portés. Un bus passe, rempli de buée. Un visage endormi vient coller un instant sa joue contre la vitre. Une trace ronde qui l'armoie aussitôt. Cahier Méloc. Odeur d'urine, de pain chaud, d'étable et de poulet grillé. C'est l'heure des ivrognes et des enfants tristes. Ici, les cloches ont des noms qui remontent au temps où elles savaient encore voler. Là-haut, sur la cathédrale, la Maria Angola appelle à chaque heure son mari disparu. Déjà plus de 2 mois que je suis partie à remonter les Andes depuis la passe jusqu'à Quito. Est-ce la solitude? Le fait de ne parler qu'espagnol et quechua? J'ai l'impression d'être entrée dans le même purgatoire que celui que les morts parcourent ici sur les plateaux. Ce corridor entre les mondes où les âmes font leur dernier voyage jusqu'au seuil des volcans où est leur paradis. Pacha. C'est le même mot en quechua pour dire le temps et pour dire la terre. Ici, la terre est faite d'une compression d'instant, l'humus de toutes les paroles, depuis le premier cri. Ici, les arbres plantent leurs racines dans la mémoire des hommes. À chaque pas dans les Andes, on connaît à la fois l'origine du monde et le moment présent. Quelle différence entre l'écrivain et le mort traversant ces hautes terres pour retrouver son paradis. L'écrivain s'érode, s'allège de sa biographie et de ses traces, tandis que le mort vient ici pour les ramasser. Mais notre invisibilité est la même. On ne me voit presque plus quand je m'assois dans les cafés, au point que j'ai l'impression ce soir de n'être plus que cette ligne de parole qui court sur le cahier. Il y a 3 jours, une vieille m'a surprise en train de jeter dans les herbes une petite boule de mes cheveux. Ne fais pas ça, ma fille. Il vaut mieux les brûler. Sinon, après ta mort, ton âme devra venir jusqu'ici pour ramasser tes traces. Ne jette ni tes cheveux, ni tes ongles. Pendant cette vie, tu gardes tout. Je n'ai pas osé lui répondre que d'autres avant elle me l'avaient déjà dit, mais que je jette à dessein ces traces minuscules comme autant de preuves que je suis venue dormir là-haut dans ces montagnes, que j'y ai peut-être existé. Au lieu d'un paradis sans surprise, je préfère les sentiers du purgatoire. Après mon dernier souffle, faire un voyage de plus. Géographie du purgatoire. Une traversée des Andes, de Anne Cibran. Épisode 5. Dans la ville sans ombre. Tiens, maman a préparé ça pour Chaska. Ce sont des herbes. Elle nous écrit qu'il a souvent froid là-bas, dans ton pays. Merci, Urpi. Je les lui donnerai bientôt. Soudain, tout s'accélère. On n'a plus assez de temps, plus assez de gestes. Ne reste que ses gorges tellement nouées qu'il n'y a plus que le quechua. Ay, nya, nya, iki. Son kuyai. Yakikuni, ashkata. Yakikuni. Ay, nyo kapas, Urpiyai. Ashkata yakikuni. Pardonnez-moi, je vous ai entendu tout à l'heure à l'aéroport. Vous parlez le quechua? Oui, un peu. C'est extraordinaire. J'aimerais beaucoup savoir cette langue. Je suis sûre que ça m'aiderait dans mes recherches. Vous travaillez dans les communautés? Non, pour tout vous dire, je cherche des chamans. Ça fait 10 ans que je fais ça. Toute l'année, je travaille à Bruxelles dans une agence de publicité et pour les vacances, je viens au Pérou pour essayer d'en rencontrer. Mais c'est pas si facile quand on ne sait pas la langue. Je ne parle que l'anglais. Bon, j'ai déjà été à Iquitos, mais je ne vous le recommande pas. C'est devenu l'usine, on vous donne de l'ayahuasca à la chaîne. L'Amazonie, maintenant, c'est trop couru, il n'y a plus rien de sincère. Moi, ce que je cherche, c'est des tribus, comment dire, des tribus neuves qu'on n'a pas encore polluées avec notre plastique et notre consommation. Et vous en avez trouvé? Oui, les Kéros. C'est de là que je viens. À plus de 4500 mètres d'altitude, un froid humide, vous ne pouvez pas imaginer. Eux se sont réfugiés là à l'arrivée des Espagnols. Ce sont les derniers Incas. Tout est resté chez eux comme il y a 450 ans. Inouï. Et vous verriez les enfants comme ils sont beaux avec leurs habits tissés. Et là, vous retournez chez vous ? Non, comme il me reste encore 2 semaines de vacances, j'ai décidé de retourner à Lima et de prendre un avion pour Puerto Maldonado. On m'a parlé d'un certain Don Ignacio qui est, paraît-il, un bon chaman. Mais je ne sais pas si je vais reprendre l'ayahuasca. L'autre fois, j'ai mal réagi en mélangeant avec les pastilles de l'ariam contre le palu et la chaleur en plus. Ça m'a fait de ces angoisses. J'ai dû rester 3 jours allongée sous le ventilateur de ma chambre pour essayer de me calmer. Ça y est, je suis revenue dans cette réalité solide où je me cogne à chaque pas. Mon corps est resté là-bas. Je n'arrive pas à croire que ce matin encore j'étais à Cusco, au lever du soleil sur le Sacsayhuaman. J'aurais dû rentrer en bus, prendre le temps de voir disparaître les montagnes et grandir les maisons. Pourtant, je ne connais pas de ville plus irréelle que Lima. 6 mois par an, elle quitte les couleurs pour s'envaser dans cette brume opaque qu'on appelle Néblina. La mer semble de légende, sans le moindre horizon. Sur les poteaux électriques, des cormorans dans des postures étranges mettent leurs ailes asséchées. Il est midi, je n'ai toujours pas d'ombre. Je remonte vers Miraflores. Le couvent de San Francisco, dans le vieux centre historique, abrite une des plus vieilles bibliothèques d'Amérique du Sud. Chaque fois que je suis à Lima, je viens m'y recueillir un moment. Les guides me connaissent et j'ai le privilège de pouvoir monter seule à l'étage, passer la cordelette rouge et m'accroupir sous les rayonnages, trempée dans cette odeur de parchemin moisi. Pour être là, tout près des livres, je n'ai eu qu'à parler de cette émotion qui me submerge à côtoyer ces écritures presque effacées, ces peaux de brebis noueuses, ces enluminures bariolées. La particularité de ces livres, c'est qu'ils sont atteints d'un mal incurable, un champignon sournois qui s'y développe lentement, page après page. Le couvent n'a pas l'argent pour trouver un remède, et la ville s'en fout. Alors il meurt. Une mort singulière, car ces vieux livres du XVIe siècle se remettent à germer. Les couvertures enflent, ondulent, tandis qu'on croirait que les encres s'étirent pour s'échapper des lignes et retrouver au fond des mers le ventre glacé des poulpes. Je viens ici regarder une parole qui repart à la sève. Partout, sur chaque rayonnage, on sent la forêt qui frémit. Comme si, après tant de siècles, cet arbre dompté pour le papier, cette bête dont on a tanné la peau pour le cuir jaune du parchemin, revenaient habiter leur vieille dépouille, mettre des respirations et des musculatures sous les calligraphies d'Orphin. C'est un quartier de 4x4, de grilles hautes, électrifiées, de gardiens à l'entrée des maisons. Un peu plus loin, j'aperçois cette femme qui me regarde intensément. Elle porte l'uniforme jaune des balayeurs de la ville, un masque de papier tendu devant le nez. ¿Usted conoce al Hostal Olimpia? Seguro que no es lejos, pero olvidé el nombre de la calle. Et comme elle me regarde toujours sans répondre, Hostal Olimpia Riksin Kichu Manayachanichu Maipikachan. Quechua Simita Riman Kichu Pisiliata. Elle s'appelle Lourdes Cristina Pareja. À peine on s'est mise à parler quechua qu'elle a retiré son masque de papier et baissé la capuche de son uniforme. Mais en réalité, elle ne parle presque pas quechua. Je les comprends seulement un peu. En me raccompagnant à l'hôtel, elle me propose de m'emmener après son travail dans un quartier où tout le monde parle encore la langue des montagnes. Des gens d'Ayacucho, arrivés depuis peu à la ville. Tu verras, ce sont des vrais paysans. Le rendez-vous est fixé 2 heures plus tard devant l'hôtel. Parfois aussi, dans le voyage, on s'engage dans un malentendu. Au moment où j'ai rencontré Lourdes, je ne voulais pas être à Lima. Empêtrée dans la nostalgie, j'espérais retrouver un peu ici de ce que je venais de vivre à Ayacucho, à Cusco, et dont je n'étais pas rassasiée. J'ai senti très vite que je me fourvoyais. Le chauffeur pestait quant à la destination, et il voulait nous laisser avant. Lourdes ne parlait plus, accaparée par son portable, tandis que la ville se démantibulait derrière la vitre. Gros tas d'ordures, maisons de tôle rouillée et de plastique tendu. Et partout, des antennes de télévision. Sur 30 millions d'habitants, un tiers des Péruviens vit à Lima aujourd'hui. Le Pérou ne permet plus à ses paysans de survivre. Chaque jour, ils viennent plus nombreux se presser aux abords de la ville. Il n'a pas de portable ? Non. Tout à l'heure, quand Lourdes est venue me chercher à l'hôtel, le portier n'a pas voulu la laisser entrer. Il avait reconnu la balayeuse qui m'avait accompagnée 2 heures plus tôt. Un chemin boueux monte vers le marché Tupac Amaru. Des odeurs violentes, acides, nous agrippent à l'entrée des impasses. Des échoppes de remèdes, de plantes médicinales et de potions entourent le marché. Regarde, Bourdès. C'est Mouniaï. De la menthe. Amour. Même la camomille, la yerba luisa. Il n'y a aucune plante des montagnes qu'elles connaissent vraiment. Mais comment tu fais quand tes enfants sont malades ? Je vais à la pharmacie. Oui, je me fourvoyais. Mais que faire ? Impossible de revenir en arrière. Car le malentendu sécrète aussi ses anticorps. Aussi erroné qu'il soit, le scénario reste implacable. Une fois mis en place, il se referme comme un piège. On ne peut plus s'y dérober. Anita, tu sais, je voulais te dire, ici, dans la grande ville, il faut te méfier. Ne pas aller avec n'importe qui. Surtout pas les premiers venus. Et c'était précisément ce que j'étais en train de faire, à m'enfoncer plus loin encore dans ce quartier inconnu. Au coin d'une rue, une fleuriste a dû tremper ses bouquets dans les encres. Les marguerites ont l'air si fausses avec ces oranges fluorescents, ces bleus outranciers. Lourdes doit sentir que je suis déçue. Elle me prend par le bras, une familiarité soudaine, presque brutale, qui me surprend. Anita, tu sais, c'est ma mère qui parlait bien le quechua. Elle connaît tout, ma mère. Les herbes, les médecines, tous les contes. Aïe, je vois déjà comme tu vas être heureuse de parler avec elle. Si tu veux, je reviens demain à l'hôtel avec ma mère. Ah oui, d'accord. Une voiture de police est garée devant l'hôtel. Le gardien discute, affolé. Il me montre du doigt. Ah, vous voilà. C'est pour moi que vous avez appelé la police ? Oui. J'ai pensé que vous n'alliez pas revenir. À aucun moment, la cause réelle n'est évoquée. Je veux dire, jamais il n'a dit « Comme je vous ai vu partir avec une balayeuse à l'allure indigène, j'ai pensé qu'elle vous attirait dans un traquenard et je m'inquiétais pour vous. » Les policiers sont déjà repartis. Du coup, le gardien m'offre un verre. Je sens que pour lui, je suis une énigme. Après m'avoir dévisagé un moment, il finit par me dire « En fait, vous aimez les pauvres. » À travailler ici depuis des années, cet homme est devenu un spécialiste des caprices et des perversions des étrangers qu'il côtoie. Il y a ceux qui aiment les machines à sous ou les prostituées. Et je comprends qu'une nouvelle catégorie vient de s'ouvrir dans son classement. Ceux qui s'en tichent de la pauvreté. Mais sa question me trouble, me touche profondément. Je ne fermerai pas l'œil cette nuit-là, essayant de lui répondre. Au matin, en descendant déjeuner, je découvre Lourdes endimanchée, qui m'attend dans le hall avec le reste de sa famille. Le gardien à nouveau se crispe quand le mari allume une cigarette à 2 pas des buffets. Finalement, ma mère était fatiguée. J'ai pensé qu'on pourrait aller à San Miguel, au parc des légendes. Les contes, les légendes, c'est un peu la même chose, non ? À ceci près que le parc des légendes est un zoo, un grand parc d'attractions. Mais que faire ? Les enfants ont mis leurs plus beaux habits. Je devine qu'ils n'y sont jamais allés. Il y a souvent ce moment où le voyage baisse le masque. Pour chaque pays traversé, ce périmètre de désillusion, indispensable, qui nous rapproche aussi de la vérité du pays. Arrivée à Lima à l'âge de 2 ans, Lourdes a dû apprendre la ville aussitôt. Au lieu d'honorer les esprits des montagnes, elle s'est mise dès l'âge de 6 ans au ramassage des cartons, au tri des ordures. Épuisée par le travail, les humiliations, elle a lutté pour une maison solide d'abord, puis pour nourrir sa vieille mère, ses enfants et le mari sans emploi. Lourdes a 3 métiers. Balayeuse, caissière, femme de ménage. 16 heures de travail par jour. La nuit, elle rêve qu'elle tombe malade et ça l'angoisse tellement qu'elle se bourre de médicaments. Il suffit d'une génération à peine pour briser cette chaîne de transmission des savoirs qui existe ici depuis la nuit des temps. Lourdes nous ressemble étrangement. Elle a les mêmes références apprises à la télévision, les mêmes aspirations, les mêmes impulsions d'achat. Rosa, la mère de Lourdes, finit ses jours, silencieuse sur sa chaise, sans que personne ne lui pose la moindre question sur la montagne où elle est née. Un tiers de la population du Pérou, agglutinée autour de la capitale, est partie dans le même engrenage de l'oubli. Et je comprends qu'ils sont venus me chercher ce matin à l'hôtel pour que je leur offre un peu de rêve. Ils croient que je suis riche à foison. Alors je paie le taxi, l'entrée du zoo. Le parc des légendes est un genre de Pérou en réduction. Une grosse maquette de gazon élimé et de ciment où l'on a enfermé des bêtes. Un ours blanc, crasseux, garde d'un air désabusé le sommet du Machu Picchu. Derrière nous, dans l'allée, le mari de Lourdes photographie tout ce qu'il voit avec son téléphone portable. Un vol de perroquet, échappé du zoo sans doute, mais un semblant d'animation. Soudain, Lourdes s'arrête en criant. Elle a oublié son sac dans le taxi avec sa première carte de crédit. Le mari s'énerve. Il parle fort derrière moi. J'essaie d'occuper les enfants, les emmener voir les singes, mais les bêtes ne les intéressent pas. Ils veulent que je leur achète des ballons, des bonbons. Ils ne regardent rien autour d'eux qui ne s'achète. Je remarque que les arbres sont numérotés en rouge. Derrière moi, la dispute s'envenime. La cage du tigre est si petite, on dirait que les barreaux sont peints sur sa fourrure. Au détour des chemins, on trouve parfois des maximes écrites sur des panneaux. Beaucoup de gens passent à côté des petites joies en espérant les grands bonheurs. Lourdes a retrouvé le sourire. Elle vient m'expliquer qu'ils ont réussi à contacter le chauffeur de taxi. Mais l'homme demande de l'argent, beaucoup d'argent, pour rendre la carte de crédit. Lourdes me reprend tendrement le bras. Devant l'arbre C18, j'explique à Lourdes que je veux rentrer, repartir seule maintenant. Lourdes hoche la tête. Elle comprend. Je lui laisse un peu d'argent pour le déjeuner. On se sépare chaleureusement. Son mari ne vient pas me saluer. Monsieur le gardien de l'hôtel Olympia, je n'ai pas l'esprit de répartie. L'autre jour, vous m'avez dit « Vous... vous aimez les pauvres. » Et j'ai bien compris que vous ressentiez cela comme une déviance. Ça m'a troublée. En revoyant tout mon voyage, j'étais bien obligée de reconnaître qu'effectivement, pendant près de 3 mois, j'avais passé la plupart de mon temps avec des hommes, des femmes, qu'on pourrait qualifier de pauvres. Mais à aucun moment la question ne s'est vraiment posée. Je veux dire que jamais... cette pauvreté ne s'est mise devant eux comme un paravent qui aurait pu dissimuler leur vérité intacte, leur authenticité. Même si leur vie est d'une extrême rudesse à près de 4500 mètres d'altitude, sur des terres maigres, le peuple que j'ai côtoyé est un des plus nobles qui soit. De cette noblesse qui n'autorise aucun espace entre le geste et la parole. Et j'ai redécouvert la simplicité d'une porte qui s'ouvre, invités à leur table souvent sans rien demander. J'ai aussi compris un peu la montagne, rien qu'en les regardant marcher, cultiver, remettre une pierre sur le muret. Monsieur le gardien de l'hôtel Olympia, je voudrais vous emmener avec moi dans des endroits où j'ai été, afin que vous voyez qu'il n'est pas question de pauvreté au fond, mais de la place navrante que notre société laisse aujourd'hui à ceux qui savent encore prendre soin du monde. C'est-à-dire tout à la fois le louer, l'écouter et le cultiver. Et j'ai repensé pendant cette fameuse nuit où je marmonnais dans mon lit, à vouloir tant vous répondre, à ce que Bernanos, un écrivain de mon pays, avait un jour écrit des pauvres. Je dis que le monde sera sauvé par les pauvres, ce que la société moderne élimine sans je les détruire. Je dis que le monde sera sauvé par les pauvres, parce qu'ils ne sont pas ce que la société moderne élimine sans les détruire, parce qu'ils ne sont pas plus capables de s'y adapter qu'elle n'est en mesure de se les assimiler, jusqu'à ce que leur ingénieuse patience ait, tôt ou tard, raison de sa férocité. Je dis que les pauvres sauveront le monde. Ils le sauveront sans le vouloir et ne demanderont rien en échange, faute de savoir le prix du service qu'ils lui auront rendu. Je reviens au début du voyage, dans le Mercado Belém de La Paz où la vieille Antonia m'avait offert un thé de rose blanche. On parlait de la mort, la Toussaint approchait. Bon. Alors Antonia, si j'ai bien tout compris, d'abord on meurt dans ton pays. Après on va chercher ses traces partout là où l'on a vécu. Puis on s'en va au paradis. Mais après, j'imagine que tout s'arrête. On se repose, non ? Aïe, ma fille, pas trop longtemps, on se repose. Parce que notre petite mère, la Terre, elle fait des fois pachacuti. Comment ça, pachacuti ? Ben, la fin du monde, quand tout se retourne, que ce qui était dessous vient par-dessus et le contraire aussi. Mais pourquoi la fin du monde ? Parce que le temps se lasse. Tu as vu la neige sur les montagnes ? Et c'est drôle de pluie par moment. Alors il faut bien que ça s'arrête un peu. Antonia, ça veut dire que plus rien n'existera ? Non, voyons. La vie est toujours là. Tu sais, ici chez nous dans les Andes, la fin du monde, elle a déjà eu lieu plusieurs fois. Anita, ne t'inquiète pas, c'est rien du tout la fin du monde. C'est comme quand tu retournes ton champ. Les vieilles herbes, les fanes sèches de la patate, elles vont dessous, bien sûr. Mais la terre, elle est toujours là. Géographie du Purgatoire, une traversée des Andes, de Anne Cibran. Cinquième et dernier épisode. Avec Chloé Réjon, Maria Celina Lozano, Odile Lauria, Françoise Laurente, Sol Espeche, Alejandro Calderón, Emiliano Suárez, Ruth Olaizola. Chanson originale de Luzmila Carpio. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy et Emmanuel Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Nior, Arnaud Chapat, Lélio Ploton, Laurie Goroff. Remerciements à Jean-Philippe Navarre, Benjamin Chauvin et Jean-Marc Lotel.